sur Dante, les Wake. 24, 11, 2012. Malgré que je me sois servi de la technologie contemporaine pour rendre lisible de manière immédiate et pour ainsi dire universelle l'écriture en cours de cet essai, comme si d'un feuilleton en été, je n'ai pas pensé ou je n'ai pas voulu penser à me servir de ces mêmes dispositifs pour l'étude ou pour la vérification. J'ai une croyance qui aujourd'hui pourrait sembler superstitieuse, dans le mérite de la mémoire et un attachement qui pourrait sembler fétichiste aux livres traditionnels auxquels nous guide l'effort et une intuition dépassée. C'est ainsi que jusqu'à peu de jours, je n'ai pas pensé à compulser une bibliographie numérique de Dante jusqu'à hier soir, exactement. À présent, donc, je dispose du texte immatériel de Il Convivio et La Vita Nuova. Les deux, j'en étais au fait de l'existence, ayant possédé en Espagne et laissé là-bas une édition bilingue de La Vita Nuova et pour Il Convivio en cours d'écriture pour mes premières notes sur la commedia, ayant eu la chance de me les faire montrer par Claude Maillard dans une belle vieille édition à son cabinet. Bizarrement, malgré que je mettais en raccord des textes disparates, je ne me suis pas senti concerné par ces deux ouvrages de Dante. Considérant peut-être ennuyeux un emprunt dans de ces livres de la part de mon analyste, j'ai donné sur eux un lapsus, un creux, m'accrochant à une suffisance de l'œuvre majeure qui est la Commedia, que j'ai possédée en plusieurs langues, dont l'original. Claude Maillard, avec modestie, m'a montré d'une séance à autre l'édition française d'Il Convivio, et dans mon lapsus, je venais couvrir le transfert de ces longues séances rue de Seine d'une sorte de mépris enfantin. Me protégeais-je de l'impureté ou de l'excès de pureté, la circoncision? Oui, parce que la contrainte ressentie par moi depuis le début de mon analyse parisienne, ayant eu déjà une analyse espagnole, était le besoin d'une appartenance qui ne pouvait être autre que la judéité, et parce que je jouissais, niaise et béate, la complaisance avec laquelle j'entendais raconter des récits de conversion religieuse et circoncision comme aboutissement des cures, que cela et peut-être malgré moi, ôter à Dante de l'amprépuce tout ce qui ne soit les purs et propres chefs-d'œuvre. 25, 11, 12, je dilate sur un cahier depuis plusieurs jours l'écriture sur l'ordinateur, qui était si facile, si compulsive auparavant. Je voyage en bus la nuit, un trajet qui me semble désolé, couvert par les mélanges de ma phobie de l'obscurité céleste et la lampe à gaz de l'Olympe Sabine, et ma dose d'anxiolytique. Je feuillette l'histoire de la littérature anglaise de Lewis et Casamian. Elle est amusante. Leur prose à propos des premiers textes chrétiens est en anglo-saxon. Il donne à remarquer comme les auteurs des paragraphes bibliques adoptent l'identité juive naïvement, d'une manière fantasque et personnelle nordique. Je pense qu'on peut étendre à toute manifestation gothique ses traits, et la manière de Dante est gothique dans sa chair. On en est dans l'adoption de l'identité, tout comme Dante adopte Béatrice pour dame de ses pensées, pour muse mutique, à laquelle l'on appose les mots. La prochaine lecture des textes de Dante m'apparaît liée à ce déplacement en bus conséquente.